Z. Pour l'écouter. 89.1. Midi tout le monde, on est présentement le mercredi après-midi, mais peut-être que vous nous écoutez en reprise le dimanche après-midi, alors je suis correcte de dire bon après-midi tout le monde. Bienvenue dans l'émission En piste avec Tania Baudin. On va être ensemble pour la prochaine heure et comme certains le savent ou si vous êtes nouveau peut-être, qui sait, eh bien c'est une émission qui parle de courses automobiles, de véhicules de route et aussi de musique country. C'est-tu pas un beau mélange? Ouais! Eh bien, on va être ensemble, comme je l'ai dit, jusqu'à 15h. Par la suite, ça va être le Mathieu Plante Show. Mais là, c'est notre temps. C'est le temps de discuter de sport automobile. Et la semaine dernière, je vous disais aussi qu'en temps normal, la saison d'En piste avec Tania Baudin, elle est terminée à ce temps-ci de l'année. Mais non, on a décidé de faire les choses autrement pour la saison 2016-2017. On reste en onde parce qu'on a décidé, on a aussi découvert plusieurs sortes de disciplines dans le monde de la course automobile. Alors, on s'est dit, pourquoi pas tout simplement rester en onde pendant la saison, la session d'automne, puis la session d'hiver. Et comme ça, on va être ensemble vraiment jusqu'à la prochaine saison de course automobile au Canada et au Québec. Mais on va discuter, bien évidemment, de bien d'autres disciplines qui sont pas nécessairement tout le temps faites ici au Canada. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi. J'espère que vous êtes prêts parce que En piste avec Tania Baudin, ça commence maintenant! Ah, le plan d'En piste avec Tania Baudin. Je suis une fille quand même très, très, pas nécessairement stratégique, mais j'aime savoir où je vais, alors j'aime dire un petit peu à mes auditeurs de quoi va ressembler la prochaine heure qu'on va passer ensemble, parce que bien évidemment, s'il y a des sujets qui vous tentent peut-être moins, bien, vous allez peut-être le savoir aussi si j'ai la possibilité de titiller votre intérêt pour une sorte de discipline, eh bien, j'aurai fait mon travail. Voilà. Alors, voici le plan de l'émission d'aujourd'hui. On va bien évidemment faire un retour sur ce qui s'est passé durant la dernière fin de semaine. C'est quelque chose qu'on fait à toutes les semaines, que ce soit avec des disciplines canadiennes, québécoises, ou que ce soit avec des disciplines un petit peu ailleurs dans le monde. C'est ce qu'on fait. Alors, bien souvent, il va s'être passé quelque chose durant la dernière fin de semaine et on va faire un retour sur justement ces événements-là. On va aussi parler IndyCar parce que ça bouge beaucoup, là. Il y a plusieurs saisons qui sont terminées, mais quand dit saison terminée, dit aussi parfois renouvellement de contrat. Mm-hmm. Et là, de ce côté-là, ça bouge quand même beaucoup du côté du IndyCar. Alors, un petit peu plus tard dans l'émission, on va jaser de ça. On va aussi jaser d'un nouveau segment qui a été instauré dans l'émission parce que la découverte, pas nécessairement la découverte, mais l'intérêt du monde de l'automobile envers l'électricité. Donc, tout ce qui est voiture électrique, tout ce qui est course automobile électrique aussi, disons-le, eh bien, ça joue un petit peu dans ma tête, là. Ça joue un petit peu en arrière de certaines de mes pensées et j'aime beaucoup l'intérêt. Alors, j'ai comme décidé de faire un segment dans l'émission à chaque semaine où on va justement parler d'électrique, que ce soit des nouvelles voitures ou que ce soit encore la formule électrique, eh bien, c'est quelque chose qu'on va discuter dans l'émission, bien évidemment. Et on va aussi jaser cette semaine, quelque chose qui n'est pas nécessairement arrivé beaucoup cette saison parce que c'était très, très, très... c'est très axé sur la course automobile, beaucoup plus que sur les voitures. Donc, de ce côté-là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un segment nouveau modèle. Nouvelle auto, nouvelle voiture, qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'automobile de ce côté-là? Alors, ça va être un petit peu le plan de l'émission aujourd'hui. J'espère que vous allez être avec nous jusqu'à 15h. J'espère aussi que vous allez apprécier les sujets qui vont être discutés, qui vont être qui vont être jasés. Et j'espère aussi que vous allez apprécier la musique que je vais vous faire jouer, parce que pour ceux qui sont des habitués de l'émission, vous savez très bien qu'on fait jouer des nouvelles découvertes du côté du monde country, que ce soit canadien ou que ce soit américain. Alors, j'espère que vous allez apprécier ça. Et on va, sans plus tarder, aller écouter notre première pièce de la journée. Un gars que je vous ai fait écouter il y a quelques semaines déjà, mais que j'aime donc sa voix. On va aller écouter Drake White avec It Feels Good. Puis on se retrouve tout de suite après ça. She gave me a wink. She said there's no sense of working if it's just staying hot. So dip your toes in the water, baby, this is a slide. Well, it feels good, good, good. Yes, it feels right, right, right. Oh, it feels good, good, good. So we gonna lay back and let it ride. Now I'm dancing like I just saw the Holy Ghost. It feels good, good, good. Yes, it feels right, right, right. Oh, it feels good, good, good. So I'm gonna lay back and let it ride. Oh, let it ride, boy. Drake White, un chanteur country canadien. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite sérieusement à aller faire un tour sur sa page Facebook. Il est un petit peu partout au Canada, ça bouge pour lui. Alors de ce côté-là, un artiste à vous faire connaître, et c'est ce que j'apprécie beaucoup. Je sais que ça n'a pas nécessairement rapport avec le monde de la course automobile ou le monde de l'automobile dans son entièreté, mais ça bouge beaucoup du côté des États-Unis face à l'ouragan Matthew. Et sachez que oui, à un certain point, ça a comme un effet sur le monde de la course automobile, parce que l'ouragan Matthew est quand même une personne, mais un événement invité spécial dans pas mal d'événements du côté des États-Unis ces temps-ci, surtout pour la NASCAR Spring Cup cette fin de semaine. Alors, avant de commencer le petit retour sur la fin de semaine, je voulais justement débuter avec un article de René Fagnan qui m'a quand même beaucoup plu sur Internet aujourd'hui. C'est sorti il y a quelques heures seulement. Alors, on parle de, bien évidemment, la pluie, l'ouragan Matthew, qui va avoir un rôle assez majeur en NASCAR Spring Cup à Charlotte en fin de semaine, et aussi le Grand Prix de la Formule 1 du côté du Japon, là, c'est la pluie. Mais vraiment, du côté des États-Unis, on parle de l'ouragan. Alors, la région de Charlotte, en Caroline du Nord, va connaître un automne quand même assez magnifique, mais avec une température élevée pour la saison. Et ça va changer aussi avec l'approche et le passage de l'ouragan Matthew de force 4, rappelons-le, alors qu'il frappe actuellement les Caraïbes et qui va remonter la côte est des États-Unis. Si vous suivez, bien évidemment, l'actualité, si vous suivez la météo un petit peu, vous savez très bien de quoi je parle. Mais là, les météorologistes prévoient pour vendredi soir et samedi des pluies quand même assez mouvementées, quand même assez très, très, très fortes et des vents violents pour la grande région de Charlotte. Alors, la course de NASCAR, NASCAR Spring Cup, oui, le Bank of America 500 qui est prévu samedi soir du côté de Charlotte au Charlotte Motor Speedway, ça pourrait venir créer quelques petites difficultés de ce côté-là. Donc, on rappelle que les bolides de stock car roulent jamais sous la pluie sur les ovales aux États-Unis. Ça devrait être quelque chose qu'on va regarder, bien évidemment, de très près. Le Centre national des ouragans des États-Unis prévoit que l'ouragan va balayer la région de la Caroline avec des vents soufflant jusqu'à plus de 170 km/h. Alors, il y a des simulations par ordinateur qui prévoient aussi la chute de plus de 10 cm de pluie entre vendredi et samedi. Mais toutefois, on dit dans l'article de René Fagnan que les experts répètent qu'ils ont encore beaucoup de difficultés à prévoir avec exactitude la trajectoire que l'ouragan va prendre. Alors, la situation est présentement la suivante. Vendredi, c'est 90 % de risque de pluie avec des vents de 30 km/h. Samedi, 90 % de risque de pluie aussi avec des vents de 40 km/h. Et bien évidemment, ça va avoir un impact assez majeur sur l'épreuve. Alors, on va essayer de suivre ça de quand même très, très près. Mais j'imagine que si c'est à cause d'un ouragan, il n'y a pas nécessairement beaucoup de personnes qui vont être fâchées de la situation, là. J'espère, en tout cas, sinon, ça serait un petit peu malaisant. On est au moment de faire le retour de ce qui s'est passé durant la dernière fin de semaine dans le monde de la course automobile. Du côté du Québec, sachez-le, la saison était peut-être pas totalement terminée encore. Il y a le championnat de l'APKLQ, l'association du karting loisir du Québec, qui était du côté de PSL Karting. En passant, PSL Karting qui a été la piste, a tout été repavée. Alors, de ce côté-là, félicitations, ça, apparemment que c'est une très belle piste. Ça l'a toujours été une très belle piste, disons-le. Mais après un certain nombre d'années, bien évidemment, de l'asphalte, ça vient un petit peu désuet à certains moments. Alors, on a fait un beau travail de ce côté-là, de l'équipe de PSL Karting et de l'équipe de Karting Pointe-du-Lac, surtout. Alors, pour certains, c'était un événement cette fin de semaine que de se rendre à ce championnat-là. Il y a eu plusieurs personnalités québécoises connues qui sont allées faire un tour. Entre autres, le pilote de Nissan Micra, Kevin King, qui était là. On l'a dit la semaine dernière, entre autres en entrevue avec Kevin, il va être du côté de la Floride, du côté de Las Vegas aussi, avec l'équipe de karting PSL. Donc, de ce côté-là, c'est peut-être beaucoup plus pour le plaisir d'y aller, mais on a quand même participé à l'événement. On parle aussi de Marc-Antoine Camiran, qui était là. Alors, aussi Martin Côté, pilote dans la série NASCAR Pinty's. Alors, de ce côté-là, ça l'a amené du monde. Il y avait beaucoup de gens plaisants. Bien évidemment, la température, si vous étiez comme moi, vous avez vu la température cette fin de semaine du côté du Québec, c'était pas la plus belle. Je sais que du côté de Montréal et du côté de Québec, apparemment, le dimanche, c'était pas si pire, faisait beau. Mais ici, à Trois-Rivières et à Pointe-du-Lac, sachez-le, il faisait froid, il faisait pas beau, puis on gelait. Bon, c'est ça. Alors, de ce côté-là, ça l'a pas empêché plusieurs pilotes de participer à l'événement. Apparemment que c'était un très, très bel événement malgré la température. Et ça a été un très beau championnat. Alors, si jamais vous voulez savoir tous les détails pour ce qui est du banquet, ce qui est le banquet de l'APKLQ, eh bien, allez faire un tour sur la page Facebook de l'APKLQ et vous allez avoir tous les détails pour ça. Ça devrait se dérouler le 12 novembre exactement. Et je me souviens plus très bien de l'endroit. Alors, comme je l'ai dit, si jamais vous voulez tous les détails, c'est d'aller faire une petite tour sur les réseaux sociaux. C'est pas comme si personne faisait ça de nos jours, de toute façon, hein? Voilà. En parlant de Québec, en parlant de, pas la ville, mais de la région de Québec, nous qui sommes le Québec dans son entièreté, les Québécois ont fait beaucoup jaser hein, cette fin de semaine. Entre autres, Raphaël Lessard qui a signé une troisième position du côté de Nashville. Donc, on parle de la 32e édition du All-American 400, qui était l'édition de 2016, bien évidemment, on le saura, du côté de Fairground Speedway Nashville au Tennessee. C'était la quatrième course hors championnat de Raphaël Lessard cette année, mais qui était toujours au volant de sa Toyota Camry dans la catégorie Super Late Model. Et on a signé une troisième position pour le pilote de 15 ans. Je le répète, pilote de 15 ans. Troisième position. Donc, le pilote qui est de Saint-Joseph-de-Beauce a presque pas pris part à la course en plus. Donc, comment est-ce que ça s'est déroulé exactement? Bien, c'est à la suite d'une sortie de piste provoquée par un bris mécanique pendant les essais privés mardi. On a endommagé la voiture. Alors, de ce côté-là, il s'est classé 29e pendant la qualification samedi, soit une position au-delà de ce qui était une place garantie au départ de la course. Et finalement, lors d'une course de la dernière chance, samedi soir, il est parti en première position et a mené l'épreuve de 20 tours jusqu'au damier. Et c'est comme ça qu'il a réussi à s'assurer la 29e place sur 32 voitures pour la course de 400 tours. Alors, au cours des 70 premiers tours, Raphaël a effectué vraiment une impressionnante remontée. Il a passé de la 29e position à la 15e. Il y a eu bien évidemment plusieurs drapeaux jaunes. On le sait, du côté des États-Unis, ça joue un petit peu plus rough que du côté canadien parfois. Donc, on est venu mettre cette course-là peut-être en arrêt pendant quelques temps. Et on a parfois, ça l'a donné parfois l'avantage à Raphaël Lessard et parfois moins. Mais quand même, pendant une relance, le pilote est retourné en première position. Il est reparti en première position, mais il n'a pas su garder sa position bien, bien longtemps. Il n'avait pas fait de changement pneu à ce moment-là, alors on a décidé de revenir dans les puits, faire les changements adéquats. Et il y avait seulement 13 voitures qui ont terminé la course. Et lors d'une finale spectaculaire, eh bien, Raphaël Lessard s'est assuré la 3e place à 18 tours de la fin. Donc, c'est quand même assez impressionnant. On s'entend que c'était une super course de la part de Raphaël Lessard. Ça a été une semaine difficile, bien évidemment, après l'incident qui est arrivé mardi lors des essais privés. La voiture allait vraiment mal. C'est là qu'ils ont eu de la difficulté en qualification. Et c'est l'équipe de David Gillian qui n'a pas arrêté de travailler sur la voiture. Alors, il est très, très fier du travail que l'équipe a accompli. Et lors de l'épreuve, Raphaël a usé vraiment de stratégie pour monter sur le podium et dit que durant la course, ils avaient droit de changer 6 pneus. Donc, il a gardé le changement de 4 pneus pour plus tard dans la course et ils ont eu un avantage grâce à ça à la fin. C'était une course très, très longue, mais très intense et ils ont souvent été 3 de large. C'était vraiment excitant. Alors, de ce côté-là, on souhaite la meilleure des chances à Raphaël Lessard. Je pense qu'après plusieurs podiums, après plusieurs... Après plusieurs événements où il a vraiment démontré ce qu'il était capable de faire, je pense qu'on peut être très, très content pour Raphaël Lessard qui va très, très bien du côté des États-Unis. Alors, on espère de suivre ça de très près. Il y a aussi le Québécois. Là, tout le monde sait c'est qui, mais il y a le Québécois Lance Stroll aussi qui a fait parler durant la fin de semaine. Le Québécois qui est devenu le plus jeune champion de F3 en Europe. Donc cette fois-là, c'est vrai, parce qu'à 17 ans, le pilote québécois Lance Stroll est devenu le plus jeune champion de Formule 3 de l'histoire, il faut le dire. Donc en fin de semaine, on a vraiment levé les honneurs de 2 courses présentées dimanche à l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari d'Imola. Voilà, c'était mon italien de la journée. Donc, il dit que c'est sa plus belle journée en carrière. C'était un entretien avec la presse canadienne. Il dit qu'il a regardé les noms de ceux qui ont déjà été champions en Formule 3 avant, bien évidemment, l'événement de cette fin de semaine. Et parmi eux, il y avait Lewis Hamilton. Il y avait plein d'autres pilotes qui ont connu vraiment de super belles carrières. Il dit que c'est vraiment incroyable de pouvoir faire partie de cette liste de champions pilotes de F3-là. Stroll est revenu brièvement sur sa saison en F3. Il a confié qu'avoir progressé à pas de géant en tant que pilote ces derniers mois. On se rappelle, il y a eu plusieurs articles qui sont sortis sur Lance par rapport à Williams. Lorsque lui-même était présent du côté de du Grand Prix Formule 1 à Montréal, il avait dit à ce moment-là qu'il n'était pas nécessairement prêt à faire le saut en Formule 1 dès l'année prochaine. Il n'était pas nécessairement prêt du côté carrière, du côté technique. Il se disait que pour lui, peut-être que les efforts ou peut-être que la progression n'avait pas nécessairement été fait comme il l'aurait souhaité pour justement avoir cette espèce de saut-là en Formule 1. On se rappelle, ça avait sorti un petit peu partout aussi. Et par contre, ça l'a changé assez rapidement lorsque Williams est venu chercher Lance Stroll pour faire quelques essais. Donc, cette année, il dit avoir beaucoup progressé et il pense qu'il a atteint le niveau de pilotage que lui visait. malgré tout. Alors, il est parvenu à comprendre le fonctionnement de la F3, qui est une série qui a la réputation quand même d'être casse-cou. On se souvient, il y a eu quelques accrochages, entre autres, où Lance a été impliqué dans ces fameux accrochages-là. C'est la raison pour laquelle il a triomphé avec un tel écart cette année, c'est que justement, c'est une série quand même assez casse-cou. Alors, ça donne la chance à certains de pouvoir s'éclipser, disons-le, avec des points d'avance. Mais par contre, il dit que son apprentissage n'est pas terminé. Vous voyez, c'est là qu'on revient à ce qu'il disait un petit peu plus tôt cette année. Il dit qu'il faut toujours s'adapter à une nouvelle catégorie, mais il va voir comment ça va se passer pour l'année prochaine. Le pilote de développement de l'écurie Williams a fait l'objet de nombreuses rumeurs en Formule 1, hein, on le sait, et il n'a pas toutefois précisé ses plans pour 2017. Donc, à ce moment-ci, il ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. Il dit lui-même qu'il ne sait pas exactement où il va être l'année prochaine. Pour l'instant, il préfère prendre les prochains jours, évidemment, pour célébrer son championnat en F3. Mais il dit qu'il a des essais cet hiver avec Williams, entre autres dans leur ancienne voiture, et après il va voir où est-ce qu'il en est. Mais bien évidemment, c'est toujours un affamé de course automobile, c'est un passionné, c'est un pilote, il veut performer au meilleur de sa capacité, et tout pilote qui va avoir l'opportunité de pouvoir évoluer à un rythme X va peut-être prendre la chance de le faire. Alors, j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va se passer pour les essais du côté de cet hiver pour qu'on puisse avoir justement cette nouvelle-là face à Lance Stroll le plus rapidement possible, savoir s'il va être des écuries de la Formule 1 ou si on va rester en apprentissage du côté de la F3. J'ai à quelques moments mentionné moi-même avoir dit que peut-être que Lance devrait rester en F3 pour justement prendre le temps de se casser le cou lui-même en F3, pas nécessairement faire quelques gaffes qui ont déjà été faits en Formule 1. Je veux pas nécessairement dire Max Verstappen, mais c'est ça, hein? Ça l'a sorti un petit peu partout lorsque Max Verstappen a fait quelques erreurs en Formule 1 cette année. Alors, est-ce qu'on veut vraiment placer Lance Stroll dans les mêmes bas que Max Verstappen en se disant « OK, on le met là immédiatement, tout de suite, après les essais » C'est à voir, mais c'est aussi un choix de Lance. Alors, j'ai bien, bien hâte de voir comment vont se dérouler les essais du côté de Williams. Voilà, c'est ce qui fait le tour un petit peu de ce qui s'est passé durant la dernière fin de semaine. C'est beaucoup de choses. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses en fin de semaine du côté du monde de la course automobile, mais c'est pas terminé. Sachez-le, parce qu'au retour, on va bien évidemment parler d'IndyCar. On va aller écouter Saturn Boy de Jordan Rager et Jason Aldean, une pièce que j'ai fait jouer la semaine dernière, mais que j'aime donc les voix des deux hommes qui sont dedans. Alors voici Saturn Boy et on se retrouve après pour IndyCar. Southern boy in your pickup truck. Seasons change, dashboard stays covered in red clay dust. Southern boy, you've never been scared to fight. Your family name, there's a lot of things you just don't compromise. Keep singing them songs, keep carrying on. Southern Belle, keep loving those Friday nights. Keep rolling with your buddies, raising a little hell, but just don't cross the line. We all know there ain't nothing like a feeling the way you grew up. Sunday kneeling like glass packs popping, you keep making that noise. Southern boy. Sky watching over you, looking down on your little town and the hearts that hold your roots. Southern boy, when the road starts getting rough, the wheels you're on will get you home no matter how deep the mud. So keep singing them songs. Yeah. Rager, Jason Aldean, Southern Boy. Au retour, on parle bien évidemment IndyCar. C'est cool. Vous êtes assez fou. 89.1 Trois-Rivières. Vous êtes assez fou. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Toujours à l'antenne de Cifou 89.1 FM dans l'émission En piste avec Tania Baudin. On est déjà rendu à la moitié de l'émission. Ah, ça va vite! Simplement une heure d'émission. Mais parfois, sachez que c'est difficile remplir l'heure. Voilà. On est rendu au segment IndyCar, je le disais un petit peu plus tôt, avant d'aller en pause et écouter Southern Boy de Jordan Rager et Jason Aldean. Mais ça a beaucoup bougé du côté IndyCar depuis quelques temps. On le sait, la saison a terminé, je pense que c'est au courant de la semaine dernière ou la semaine précédente. Mais il y a eu quand même des nouvelles qui sont sorties par rapport à ça. Entre autres, une des premières nouvelles que l'on a vues, ça date du mois de septembre. Je sais, là, ça fait une semaine, le mois de septembre, même pas. Mais quand même, les premières nouvelles sont sorties la semaine dernière. Entre autres, on voyait sortir un petit peu partout dans le monde de la course automobile et dans le monde du sport, disons-le. Joseph Newgarden, qui quittait Ed Carpenter Racing. Donc, Joseph Newgarden a confirmé la semaine dernière son départ de l'écurie après deux saisons au sein de l'équipe. Et Joseph Newgarden va bien évidemment plus défendre les couleurs d'Ed Carpenter Racing en 2017. Il a été champion Indy Light en 2011 et il a quitté son équipe sans dévoiler vraiment d'autres détails sur son avenir à ce moment-là. Il dit qu'il est déçu. L'équipe disait qu'ils étaient déçus que Joseph ne revienne pas au sein de l'équipe. C'est pas vraiment une surprise à cause des spéculations des dernières semaines. Ça, c'est vraiment le patron pilote de l'écurie du même nom qui l'a dit, donc Ed Carpenter. Il lui souhaitait bien évidemment la meilleure des chances pour l'avenir en restant concentré sur la réussite de l'écurie que lui-même a, donc Ed Carpenter Racing. Et il est bien positionné en vue de 2017. Il est totalement confiant dans les capacités d'obtenir un niveau de haute performance pour la saison 2017. Mais Joseph Newgarden avait vraiment bien entamé sa collaboration avec l'écurie en décrochant quand même trois victoires en 2015. Mais l'Américain de 25 ans a réalisé sa meilleure saison en 2016 pendant qu'il a terminé à la quatrième place du championnat. Il devrait probablement remplacer Juan Pablo Montoya au sein du team Penske l'an prochain. Et ça, c'est les dernières nouvelles qu'on avait eues. C'était vraiment des spéculations par rapport à Joseph Newgarden. Eh bien, sachez que les dernières nouvelles sont arrivées ce matin, si je ne m'abuse, aux petites heures du matin. Alors, Joseph Newgarden a été engagé au sein du team Penske pour remplacer Juan Pablo Montoya dans la monoplace numéro 2, qui était une sérieuse éventualité, évidemment, pour 2017. Donc, l'écurie de Roger Penske a confirmé l'affirmation aujourd'hui en officialisant le recrutement du pilote anciennement d'Ed Carpenter Racing. Et pour la prochaine saison à IndyCar Series, donc l'Américain qui a terminé quatrième au championnat, comme je venais de le dire, avec une victoire à son actif à Iowa, va évoluer aux côtés du champion en titre Simon Pagenaud, Will Power et Helio Castroneves. Donc le quatuor maître de la saison 2016, on pourrait dire. Et quand vous regardez les meilleurs talents de la série, que ce soit sur le plan du pilotage ou les possibilités commerciales, on dit que Joseph est vraiment proche du sommet de la liste et c'est ce qu'explique Roger Penske. Il dit qu'il est toujours tourné vers l'avenir et quand il a eu l'occasion de parler avec Joseph, il savait qu'il y aurait un ajout vraiment important au programme de l'équipe. C'est un pilote qui est fantastique sur la piste, qui reste positif et qui va être positif aussi avec les partenaires à l'extérieur des circuits. Alors, il y a vraiment faim de victoire. C'est un pilote qui veut gagner. Il y a faim de championnat aussi. Alors, ils ont très, très hâte de travailler avec lui pour la possibilité d'un championnat en 2017. Et il dit, bien évidemment, pour tout pilote de monoplace ou pour tout pilote de course en général, le team Penske est un rêve. C'est ce que confesse de son côté la nouvelle recrue. Donc, Roger Penske, c'est une légende du sport automobile et son équipe a réussi à peu près tout et partout où ils se sont engagés. Alors, de ce côté-là, il a vraiment foi pour l'avenir et il se réjouit bien évidemment de travailler avec les partenaires de Team Penske, mais aussi d'avoir une chance de travailler avec Simon Pagenaud, Will Power et Elio Castroneves et bien évidemment le reste de l'équipe. Il dit « ça va m'aider à faire de moi un meilleur pilote ». Alors, j'ai bien hâte de voir comment est-ce que ça va se passer de son côté, mais il reste à voir qu'est-ce qui va se passer avec Juan Pablo Montoya, parce que le Colombien est quand même vainqueur des 500 000 d'Indianapolis l'année dernière avec Penske. Il est aussi vice-champion derrière Scott Dixon après avoir été battu lors de la finale de la saison à Sonoma cette année. Et bien évidemment, il avait signé avec la structure américaine pour son retour en IndyCar en 2014. Alors, qu'est-ce qui va se passer du côté de Juan Pablo Montoya? Ça reste à voir. C'est pas encore dit dans les médias. On va essayer de suivre ça de très près, mais j'ai quand même quelques nouvelles pour vous par rapport à Juan Pablo Montoya. Dans quelques instants, vous allez voir. Du côté encore du IndyCar, parce que je vous l'ai dit, ça l'a vraiment beaucoup bougé. Le champion du Indianapolis 500, Alexander Rossi, va rester pilote de l'écurie Andretti Herta Autosport pour la saison 2017. Alors, la confirmation est venue vraiment juste quelques heures après que les deux structures, les deux parties aient confirmé la prolongation de leur partenariat en 2017. Donc, Alexander Rossi, âgé de 25 ans, a inscrit l'une des deux victoires signées par Honda cette saison, mais on le sait tous. Pas n'importe laquelle, parce que l'ancien pilote Manor Marussia F1 Team a quand même remporté la 100e édition du 500 000 d'Indianapolis en mai dernier. C'est pas rien, ça le fait beaucoup jaser. Moi-même, dans l'émission, j'avais discuté du fait, est-ce que ça va être simplement un one-hit wonder? Est-ce que Alexander Rossi a eu de la chance en gagnant le 500 000 d'Indianapolis? Est-ce qu'il va être capable de garder cette cadence-là pour le restant de la saison 2016? Si vous vous souvenez, c'est des sujets qu'on avait déjà abordés en piste avec Tania Baudin. Malheureusement, on n'a pas nécessairement eu la chance de voir de quoi Alexander Rossi était capable cette saison à la suite de cette victoire-là. C'est ça. Je veux pas dire un one-hit wonder parce que c'est pas nécessairement gentil. Puis il a quand même gagné une autre épreuve, mais c'est ça. Tu sais, c'est. Je pense que c'était une stratégie qui a été bien mise en place par l'équipe. Ça a super bien fonctionné, mais malheureusement, on n'a pas été nécessairement capable de reproduire cet exploit-là dans la saison 2016. Alors, durant les 8 derniers mois, ça a été incroyable, bien évidemment, d'avoir la possibilité de rejoindre la série IndyCar, de remporter la victoire de la 100e édition du Indy 500. Et maintenant, il dit qu'il prolonge avec Andretti Autosport. Il est fier de rouler avec une écurie de ce calibre-là. Et il sait qu'il est T'sais, il veut de nouvelles victoires. Il vise les nouvelles victoires pour, bien évidemment, marquer son empreinte dans le championnat IndyCar. Mais Alexander a incroyablement progressé cette année et l'équipe est ravie de le conserver au sein de l'équipe, comme le dit si bien Michael Andretti, le propriétaire de l'écurie. Alors, Alexander a vite gagné la confiance des ingénieurs, des mécaniciens, des coéquipiers et ils disent que c'est une base très solide pour 2017. Si on met ça en perspective, cette année, c'était la première année complète dans la série IndyCar pour Alexander Rossi. Si on regarde de l'autre côté, c'était... Tu sais, c'est quasiment semblable avec Lance Stroll. On est dans notre première saison, on fait de belles choses. Est-ce qu'on veut s'améliorer de plus en plus ou on veut vraiment y aller avec des exploits, des exploits, des exploits et des exploits? Alors, je pense que de ce côté-là, Alexander Rossi fait quand même très bien d'avoir pris cette année comme une année de débutant. Il le dit lui-même dans plusieurs entrevues. Il veut pas nécessairement tout rafler la première année. Il sait qu'il y a du travail à faire. C'est une nouvelle série pour lui. C'est un nouvel apprentissage de la voiture. Alors, de ce côté-là, il y avait du travail qui devait être fait. Et je crois que cette année, justement, Alexander Rossi a eu cet apprentissage-là. Et il va être capable de le mettre en pratique l'année prochaine. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est un pilote qui a déjà, entre autres, coursé au Grand Prix de Trois-Rivières en Skip Barber. Mon Dieu, ça fait vraiment longtemps. Je me souviens plus de l'année directe, mais si j'avais les statistiques que Jerry a, bien là, je serais capable de vous le dire, mais malheureusement, je me souviens plus de la date à laquelle Alexander Rossi était venu ici à Trois-Rivières, mais c'est un pilote qui a beaucoup de talent, parce qu'on se souvient, il a quand même eu l'opportunité d'être pilote de réserve en Formule 1. Alors, de ce côté-là, j'ai l'impression qu'Alexander Rossi, avec l'apprentissage qu'il a eu en 2016, pourrait être impressionnant en 2017. Voilà, ça reste à voir, par exemple. Ça reste à voir si ça va être conservé comme ça. Il y a Connor Daly aussi qui a fait parler. Pour ceux qui ne savent pas nécessairement qui est Connor Daly, c'est le gars qui a fait le plus de dépassements cette saison dans la série IndyCar. Du moins, c'est ce que dit le trophée qu'il a remporté au banquet de la saison IndyCar. Parce que Connor Daly, c'est un pilote qu'on est quand même habitué d'entendre parler parce qu'il a participé à plusieurs épreuves, mais cette année, c'était vraiment sa première saison complète dans la série IndyCar et il a remporté le trophée qui s'appelle The Don't Crack Under Pressure Award. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est un trophée qui est remis pour avoir dépasser le plus de pilotes, le plus de voitures durant la saison 2016. On parle de 87 dépassements durant la saison et Graham Rahal, qui est le deuxième, qui est comme le vice-champion du trophée, a dépassé 81 personnes. Donc, de ce côté-là, Connor Daly a quand même fait une très belle saison cette année en 2016, si on regarde ça comme ça. Mais lui-même en a beaucoup ri sur les médias sociaux et dit « Bon, ben si je remporte ce trophée-là, ça fait juste prouver que je suis pas nécessairement super bon en qualification cette année. Alors, merci beaucoup de me le faire réaliser. Mais on va maintenant travailler sur nos temps de qualification, sur la machine pour justement arriver à avoir de meilleurs résultats en qualification. » C'est quand même très drôle, c'est une petite note humoristique, mais c'est quand même un bel exploit. On parle de 87 dépassements dans la saison. Alors oui, de ce côté-là, on va revoir aussi Connor Daly l'année prochaine. On va travailler très, très fort avec l'équipe et on va travailler sur la performance. C'est ce qu'il dit. Il dit que son but à lui l'année prochaine est de vraiment justement pouvoir mettre de nouveau sa performance en piste et de pouvoir performer comme il sait le faire. Voilà. Je vous parlais de Juan Pablo Montoya tout à l'heure. On ne sait pas encore où est-ce qu'il va être en 2017, mais je peux vous dire où est-ce qu'il va être cet hiver, par exemple. Parce que le pilote, la star, la célébrité du IndyCar va être du côté de la Floride. Ben oui, parce que il va participer à l'édition du Race of Champions à Miami, en Floride. Donc, il ne sera pas tout seul. Sachez-le, Tony Kanaan aussi va le faire. Mais les deux pilotes de la série IndyCar ont terminé les saisons cette année et ils ont décidé de participer au championnat Rock qui va prendre place à Miami dans un petit peu plus tard cette année. Alors, si jamais vous voulez suivre tout ça, bien évidemment, ça va être possible de le faire sur les internets, comme ils disent. c'est un événement qui est quand même assez médiatisé aux États-Unis, médiatisé de façon web. Alors, sachez-le, vous n'allez pas nécessairement pouvoir regarder ça sur votre télévision, à moins que vous ayez une télévision intelligente, là, Apple et tout ça, mais vous allez fortement être capable de trouver le lien pour le regarder en ligne. Donc, c'est quelque chose qui va être très, très le fun. Et il dit que la course des champions, c'est vraiment un événement unique. Ça ramène tout le monde ensemble, ça ramène les meilleurs pilotes ensemble dans une série qui est de base. On s'entend, c'est la base de tout. Tout ce qui est en course automobile passe bien souvent en karting. Alors, de ce côté-là, ça, il dit quand j'ai piloté en Formule 1, eh bien, Sébastien Vettel était un jeune pilote en Formule BMW, mais maintenant, il est 4 fois champion du monde. Alors, je me dois quand même de pouvoir continuer, moi aussi, à performer cette espèce de momentum-là et de cette espèce de folie là qu'on décide de faire durant la saison morte parce que justement ça nous remet dedans et ça nous garde en forme. Alors il a très très hâte de compétitionner dans sa première course, dans sa première course des champions. C'était un événement qu'il a toujours voulu faire, mais il a quand même été capable de prendre part à plusieurs événements de course à Miami. Alors de le faire là pour la course des champions, c'est encore plus spécial. On va suivre ça de très très près. Voilà. Il y a une course aussi du côté des États-Unis qui est, euh, qui, On n'en est pas à notre première édition, mais quand même, c'est une course qui a une très belle cause. On s'appelle la course Racing for Cancer, Second Annual Race to Beat Cancer. On s'entend, il n'y a pas, tu sais, il n'y a pas de meilleure cause que ça. Alors, il ne faut pas manquer ça. Il va y avoir plusieurs pilotes qui vont prendre part à cet événement-là, justement. Ryan Huntery, James Hinchcliffe va être là. Et ça va être une des courses les plus regardées, je crois, parce que, justement, c'est pour une bonne cause. Ça va être du côté Laguna Seca, en Californie. Je ne me souviens plus exactement de la date. J'essaie de trouver, justement. Et voilà. Donc, ça va être du 1er au 3 décembre. Ça va être la première... introduction. Donc, ça va être la journée école un petit peu parce que vous pouvez participer à cette course-là, sachez-le. Si vous êtes aux États-Unis ou si vous voulez faire le voyage pour vous rendre du côté des États-Unis, c'est quelque chose qui est possible. On parle de forfaits qui jouent entre 450 et 14 500 $, mais c'est pour une bonne cause. Alors, si vous avez de l'argent et que vous voulez justement donner pour le cancer, eh bien, c'est une des meilleures façons. On parlait justement du calendrier de cet événement-là, eh bien, ça se passe du 1er décembre au 4 décembre. Ça commence le jeudi à 5 heures et ça va se terminer le dimanche à 7 heures. On s'entend? C'est une grosse fin de semaine. La première journée va vraiment être une journée d'école, d'introduction au monde du sport. Par la suite, vous allez avoir des cours... Et bien évidemment, vous allez rencontrer les pilotes Ryan Huntery, James Hinchcliffe. Vous allez pouvoir participer avec eux. Vous allez avoir des cours en skip barber. Par la suite, vous allez avoir une course. Donc, tu sais, quelque chose de très bon et qui est pour une bonne cause. C'est toujours le fun de pouvoir participer à ça. Voilà. C'est ce qui complète notre segment IndyCar pour aujourd'hui, disons-le. Mais sachez-le, c'est pas fini parce qu'au retour, on va quand même parler de nouvelles voitures. Mais avant ça, on va aller écouter Jojo Mason avec It's All Good et on se retrouve après pour discuter. Ah, on va discuter Mercedes, on va discuter Bugatti, mais on va aussi discuter Renault. Ah, qu'est-ce qui se passe? On va savoir tout ça au retour. Goes today. We can go out or stay in and play. Knock a few things off your to-do. Or just hide under covers till noon. Baby, it's all good. We can take the Chevy out for a rip. Head to the lake to catch a couple of fish. Dial up a little something on demand. If you change your mind, we can change the plan. Baby, it's all good. Good. As long as you're with me. Try things once for the sake of it. so babe, it's all good. Anything goes today, so babe, it's all. It's all good, Jojo Mason. Je sais pas si vous avez porté attention, mais à un certain moment pendant la chanson, vous avez pu entendre justement une voiture démarrer. Non, ça ne faisait pas partie de la chanson, sachez-le. C'est une vidéo qui est partie dans les liens des nouvelles que j'ai à vous dire justement par rapport aux nouvelles voitures. Alors, je m'en excuse, mais je trouvais quand même que ça fitait, hein. L'émission par rapport à la course automobile, par rapport aux voitures, vous entendez une voiture démarrer, c'est quand même pas si pire que ça, OK? du côté d'Apple, il y a quelques temps, parce que là, on va discuter vraiment de véhicules, de voitures. Il y a quelques semaines, on a appris qu'Apple pourrait acheter le constructeur de voitures McLaren. Si vous vous rappelez ou si vous écoutez l'émission du matin Assemblage requis qui joue tous les jours du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30 avec Tania Bourdin et Mathieu Plante, eh bien, c'est quelque chose dont j'avais discuté du fait qu'Apple pourrait justement acheter le constructeur de voitures McLaren. On avait parlé d'une valeur de 1,5 milliard de livres, ce qui donnait environ 2,5 milliards de dollars. On parle aussi d'une acquisition qui avait des ambitions pour Apple dans le domaine automobile parce que justement, il se planchait sur un ambitieux projet de voiture autonome. Donc, le groupe américain avait quand même investi en mai 1 milliard de dollars dans Didi, qui est une application chinoise pour la réservation de taxis. On avait entendu dire que Apple avait justement des discussions avec McLaren pour acheter le constructeur de voitures. Eh bien, sachez que... Oui, j'ai frappé sur la table. Sachez que c'est pas vrai. Non, McLaren n'est pas à vendre pour Apple. C'est sorti il y a quelques temps. Ça dit qu'il n'y a aucun doute qu'Apple souhaite bien évidemment intégrer l'industrie de l'automobile avec énormément de liquidité en réserve. On le sait, Apple, c'est quand même une compagnie technologique et des compétences technologiques sans fin. Mais le géant des communications et de l'informatique pourrait probablement développer sa propre voiture ou encore acheter un constructeur. McLaren, par exemple. Ça, c'était la rumeur de base. C'est pas nécessairement une rumeur, mais ça l'a couru beaucoup durant les dernières semaines, dans les fils d'actualité, les réseaux sociaux. Et il y a quelques heures, simplement quelques heures plus tard, il y a un porte-parole de McLaren qui a indiqué à l'AFP que le constructeur britannique n'était pas à vendre et qu'il n'y avait aucune discussion avec Apple qui avait eu lieu. Donc, il pouvait que confirmer que McLaren n'était pas en discussion avec Apple en ce qui concerne un investissement potentiel pour justement acheter et que c'est ce que disait le représentant de McLaren. Mais du côté d'Apple, on indique qu'il n'y avait aucun commentaire qui va être fait sur les rumeurs, les spéculations. On ne voulait pas nécessairement dire si c'était vrai, si c'était faux. Alors, on est quand même à la recherche d'un nouveau produit du côté d'Apple et Apple aurait commencé à travailler sur un projet spécial qui s'appelle Titan. Et selon des rumeurs, encore une fois, bien évidemment, ça serait entre autres une voiture. Donc, la compagnie avait cependant réduit ses effectifs dans le dossier en septembre, mais au cours des 18 derniers mois, on a entendu parler d'une Apple Car élaborée sous la loupe d'une centaine d'ingénieurs et que plusieurs rumeurs de rachat de divers manufacturiers, dont Tesla, McLaren, tout ça, ça avait fait la une de certains médias, mais... Il n'y a rien de confirmé, il n'y a rien de vrai. Alors, Apple ne va pas acheter McLaren. C'est quand même triste. Il y a une Bugatti Chiron qui est arrivée à Monaco. C'est ça, la voiture que vous avez entendue tout à l'heure. Laissez-moi vous faire écouter ça. Écoutez le beau son. Je vais vous l'avancer, là, parce qu'elle ne bouge pas. Oh. C'est un beau bruit, là. C'est un beau son de voiture. Donc, on parle de la première livraison à la concession de Monaco. On parle de la nouvelle supercar Bugatti Chiron. Et les grands fans, évidemment, étaient tous là pour assister à la livraison. Donc, on parle d'un supercar d'une valeur de 2,4 millions de dollars qui est transporté dans un camion par un chauffeur aux gants blancs. Et c'est un super bolide qui est équipé d'un moteur W16 de 1500 chevaux qui va à une vitesse de pointe de 420 km/h en 2,5 secondes. Et il est capable d'atteindre les 100 km/h en 2 secondes. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Merci. C'est une très belle voiture, bien évidemment. Si jamais vous voulez, je vais mettre le lien du vidéo sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin. C'est quelque chose qui est très, très plaisant pour les yeux. Il y a aussi Mercedes qui a fait une annonce il y a quelque temps par rapport au Mercedes-Benz G550. Ça arrive au Canada. Donc, c'est ce fameux, j'ai goût de dire SUV 4x4 Mercedes qui est très, très gros, va venir ici au Canada. Sachez-le, c'est en vente déjà. J'ai vu quelques annonces, entre autres en Ontario. Ils en ont déjà reçu du côté de Whitby. Donc, on parle d'un 4x4 qui est quand même assez capable de faire beaucoup de choses. C'est vraiment un cross-country, là. C'est un véhicule tout-terrain. On peut faire quasiment n'importe quoi avec ça. Entre autres, la publicité, ça se passe dans les gros rochers. Ça a même pas l'air compliqué de se promener avec ça. Alors, c'est parfait pour les hivers canadiens et québécois. Ah, j'ai hâte de voir, par exemple, à quel prix ils vont vendre ça. Parce qu'on parle quand même... Ah oui, voilà, le prix de base, en théorie, pour le G550 est de 127 200 $. 127 200 $. C'est pas si pire, ça dépend, là. Si tu veux vraiment te sortir du banc de neige, ça serait génial. Il y a Renault aussi qui a sorti une nouvelle voiture, un nouveau concept de véhicule. J'essaie de trouver justement l'article. Ça s'appelle le Treasure GT. C'est un véhicule très, très, très futuriste. Si vous aviez écouté le film The Host, qui est un film basé sur un livre, dans le film, vous avez ces voitures-là. Je suis persuadée que ce sont ces voitures-là parce qu'elles se ressemblent vraiment beaucoup. C'est vraiment du nouveau, là. C'est un design qui n'a jamais vraiment été vu. On parle d'une vie facile à l'intérieur de ce véhicule-là. On parle de certaines... Pardon. On parle de certaines technologies et de la modernité du véhicule qui fait que c'est un véhicule vraiment authentique. On parle d'un concept aussi électrique, bien évidemment. C'est vraiment très, très futuriste. Malheureusement, j'ai pas le prix de ce véhicule-là. J'imagine que c'est même pas encore dévoilé parce que, bien évidemment, c'est pas nécessairement encore en vente. C'est vraiment un projet, c'est un concept. Mais s'ils arrivent à mettre ça sur les routes... Faut faire attention aux gens qui vont croiser ça, là, parce que juste à regarder le véhicule, d'après moi, on va faire des accidents parce que c'est vraiment un très, très beau véhicule. Sachez-le. Pour le segment électrique, on va y aller vraiment en rafale. Mercedes a annoncé sa venue du côté de la Formule E. Alors, on est à quelques jours du début de la saison de la série Formule E, la Formule électrique. Et Mercedes vient tout juste d'annoncer son désir d'entrer justement dans la catégorie dans cette série-là d'ici 2 ans. Donc, pour la saison 2018-2019, Mercedes va être une des 12 équipes participantes au championnat. C'est une date qui va coïncider avec l'avènement d'une seule voiture par pilote pour toute la course. Donc, la Formule électrique, on le sait, c'est un championnat de course automobile en santé qui risque quand même de prendre beaucoup d'ampleur au cours des années qui vont suivre et à cause de la technologie électrique, bien évidemment. C'est une voiture tape à l'œil quand même, c'est tape à l'oreille aussi, là, mais il faut surveiller justement cette montée de la Formule E là, avec beaucoup d'intérêt. Et en ce moment, on regarde toutes les options viables en course automobile et ils sont heureux d'annoncer qu'ils viennent justement de signer une entente comme quoi ils vont avoir saison 5. C'est ce que disait le directeur de Mercedes-Benz Motorsport. Alors, l'électricité va devenir un facteur majeur dans le futur de l'industrie automobile, on le sait. La course automobile a toujours été à propos de la recherche du développement pour l'industrie du moteur et ça va rendre la formule électrique vraiment pertinente dans le futur. Moi, je souhaite vraiment qu'ils réussissent à faire quelque chose par rapport au son, par exemple. Mais hein, on est dans le développement, on est dans la recherche, on est dans la technologie. Alors, s'il vous plaît, faites-le. Du côté de Tesla, on parle d'une éclosion pour les records de livraison. Le constructeur américain de voitures électriques Tesla, dirigé par le milliardaire Elon Musk, a fait état dimanche de livraison en très forte hausse et meilleure que prévu pour le troisième trimestre. Donc, on a écoulé environ 24 500 véhicules. Ça représente un bond de 70 % comparé au deuxième trimestre. C'est quand même très flatteur pour l'entreprise. Et c'est plus du double du niveau enregistré sur la même période en 2015. Donc, c'est au-dessus des prévisions les plus optimistes que la compagnie avait. C'est vraiment le fun. On se rend compte que les gens ont vraiment cette tournure-là électrique du développement de l'électricité, de la technologie. Donc, les chiffres sont plutôt réconfortants après des performances qui avaient été quand même jugées décevantes au deuxième trimestre. Et Tesla avait livré seulement 14 402 véhicules contre 17 000 espérés. Et sa perte était creusée entre 53%, c'est-à-dire 293 millions de dollars US sous l'effet de coûts d'exploitation en forte progression. Alors de ce côté-là, qu'on ait eu un gros boost du côté de Tesla, c'est vraiment bon. Et on est d'autant plus sous pression d'ailleurs par les critiques suite aux accidents des dernières semaines, ce qui est arrivé avec les voitures qui se sont fait hacker. Alors, de ce côté-là, ça a été un petit peu plus difficile pour Tesla. Voilà. Et c'est ce qui met fin à notre émission de cette semaine. C'est la fin. C'est une heure. On peut pas faire grand-chose d'autre. Hein? Mais restez là, parce que Mathieu Plante, avec le Mathieu Plante Show, s'en vient. Et c'est une émission aussi qui bouge, mais qui parle de science. Alors, si ça vous intéresse, restez en onde. Et pour nous, bien, on va se retrouver la semaine prochaine, mais on va se laisser avec Kenny Chesney et Setting the World on Fire. À la semaine prochaine! Got drunk on La Cienega Boulevard, taking pictures of people we thought were stars. It's easy to give in to your heart when you're drunk on La Cienega Boulevard. With the song coming out of the speakers, with the band that you had on your t-shirt, we were screaming cause all the streets were empty. And you kissed me and we were up all night and we were feeling so good. Yeah, we got a little higher than we probably should. We were in a hotel singing in the hallway lights. We were striking the matches right down to the ashes, setting the world on fire, setting the world on fire. Wrote I love you in lipstick on the mirror. We were shouting out the window like they could hear us at the pier. So do you think we'll live forever as we kill